Nous parvenons maintenant à la troisième partie de notre développement. Lorsque nous avons recours aux techniques, nous devons préserver nos conditions de prise d'initiative afin de préserver notre liberté. Premier point, la technique nous est donc apparue comme utile, mais également comme potentiellement dangereuse au travers de l'analyse de nos deux premières parties. L'être humain est tenté d'avoir recours à la technique, y voyant la solution au problème qu'il rencontre. Cependant, il n'est souvent pas possible de mesurer à l'avance les conséquences que cela aura. En outre, une fois la technique mobilisée, il semble difficile de revenir en arrière. Nous renonçons, dès lors, de façon plus ou moins durable, à des possibilités d'action qui nous étaient autrefois offertes. D'une part, car une fois l'usage d'une technique incorporée dans nos processus d'action, on s'y habitue, et il devient difficile, voire impossible, de s'en passer. On devient dépendant de la technique. On peut le constater aujourd'hui avec Internet. Une grande partie des activités économiques fonctionne désormais grâce aux réseaux informatisés. Imaginons une panne généralisée provoquée par une catastrophe naturelle. Celle-ci nous rendrait incapables d'accomplir de nombreuses activités, désormais complètement tributaires d'Internet. D'autre part, et plus grave encore, l'usage d'une technique peut se traduire par des transformations irréversibles de notre cadre de vie. Inondation d'une vallée suite à la construction d'un barrage, pollution des nappes phréatiques à cause de l'agriculture intensive. Ce qui est détruit par la technique ne pourra plus être reconstruit. La technique, en nous privant ainsi, de façon plus ou moins durable, voire irréversible, de possibilités d'action, met en péril la liberté humaine comme capacité d'initiative. Hannah Arendt concevait en effet la liberté humaine comme pouvoir de commencer quelque chose de nouveau, comme pouvoir d'initier un processus en rupture avec le passé. C'est-à-dire, c'est comme si nous initions une nouvelle chaîne causale, mais indépendante des chaînes causales antérieures. Arendt pensait la liberté au travers du paradigme de la naissance. Exercer sa liberté, c'est un peu comme naître au monde avec ses propres projets, ses propres règles, d'une certaine manière, indépendamment de ce qu'ont pu faire les générations précédentes. Mais si la technique nous prive de cette capacité d'initiative, nous nous retrouvons enchaînés par des décisions passées devenues irrévocables. Second point, pour rester donc compatible avec la liberté humaine, l'utilisation de la technique ne doit pas supprimer toute possibilité de faire marche arrière. On peut constater à cet égard que les techniques modernes, à la fois confèrent une maîtrise de la nature jamais égalée, mais aussi un potentiel d'altération, voire de destruction immense de nos conditions d'existence. On peut penser en particulier à la technologie nucléaire. Un accident nucléaire de grande ampleur, comme celui de Tchernobyl ou celui de Fukushima, pourrait dégrader de façon quasi définitive notre environnement, ou du moins une partie de celui-ci. Un tel risque doit nous faire peur, mais une peur constructive qui nous pousse à réfléchir au lieu de nous paralyser, selon Hans Jonas. Ce dernier considère que le potentiel destructeur de la technique moderne, modifie radicalement le sens de l'action humaine et impose de nouvelles formes de responsabilité morale. Notre action n'est plus la même que celle de nos ancêtres, car notre pouvoir d'agir a augmenté de façon considérable. Nous devons désormais envisager les conséquences de notre action, non seulement pour nous-mêmes et ceux qui nous entourent, à une échelle immédiate, mais pour toute l'humanité, et en particulier pour toutes les générations futures. Parce que nos actions ne font plus seulement qu'affecter les personnes immédiatement autour de nous, elles peuvent affecter, grâce à la technique, des générations et l'humanité dans son entièreté. Pour Jonas, nous sommes responsables des dégradations que nous pourrions faire subir aux générations futures. Et nous n'avons pas le droit de leur imposer de vivre dans un monde plus dégradé que celui dans lequel nous sommes nés. Ainsi, avant de faire usage d'une technique, nous devons systématiquement nous poser la question de savoir si cela menace l'humanité dans son existence ou du moins dans ses conditions présentes d'existence. Et si cela, si notre action, si la technique compromet ces conditions d'existence, alors il faudra renoncer à l'usage de cette technique. Cette nouvelle forme de responsabilité telle que Hans Jonas l'a imaginé, cela a beaucoup influencé ce qu'on appelle aujourd'hui le principe de précaution, qui réclame, avant de mettre en place, de mobiliser une technique, de prendre le temps de réfléchir à ses conséquences potentielles et d'éviter de l'utiliser si nous estimons qu'il y a des risques importants qui sont associés. En conclusion, que pouvons-nous dire ? Eh bien, la technique nous est donc apparue comme utile dans la mesure où elle nous donne une puissance d'action, autrement inaccessible. Cependant, son usage n'est jamais sans risque. Pour ne pas perdre notre liberté, il convient donc bien de réfléchir avant de mettre en application un dispositif technique. L'utilisation de la technique, pour rester compatible avec la liberté, doit donc être associée à une évaluation des conséquences potentielles de l'action. Nous pouvons citer Ivan Illich, qui cite les conditions d'une technique qui ne porte pas atteinte à la liberté humaine. Donc, je le cite, « L'outil juste répond à trois exigences. Il est générateur d'efficience sans dégrader l'autonomie personnelle. Il ne suscite ni esclave ni maître. Il élargit le rayon d'action personnelle. L'homme a besoin d'un outil avec lequel travailler, non d'un outillage qui travaille à sa place. Il a besoin d'une technologie qui tire le meilleur parti de l'énergie et de l'imagination personnelle, non d'une technologie qui l'asservisse et le programme. »